dis non. Non, Dieu dit non. Dieu dit non à la guerre. Non, Dieu dit non. Non, Dieu dit non. Non, Dieu dit non. Dieu dit non à la guerre. Au nom des enfants de la terre, sur qui plane la misère, interrompt les haches de guerre, impératif humanitaire. Celui qui règne par l'épée périra par l'épée. L'éternelle flamme de la GN pour les méchants pleins de haine. Give peace a chance. Give peace a chance. Give peace a chance. Let's all give peace a chance. Give peace a chance. Give peace a chance. Give peace a chance. Let's all give peace a chance. Les bêtes, les missiles sont munis de têtes. L'humanité court à sa perte. La guerre en les hommes si bêtes, plus bêtes que les bêtes. Les missiles sont munis de têtes. L'humanité perd la tête. Give peace a chance. Give peace a chance. Give peace a chance. Let's all give peace a chance. Non, Dieu dit non. Non, Dieu dit non. Non, Dieu dit non. Dieu dit non à la guerre. Give peace a chance. Give peace a chance. Give peace a chance. Let's all give peace a chance. Dieu dit non. Non, Dieu dit non. Non, Dieu dit non. Dieu dit non à la guerre. Give peace a chance. Give peace a chance. Give peace a chance. Let's all give peace a chance. Non, Dieu dit non. Oui, yeah. Non, Dieu dit non. Non, Dieu dit non. Dieu dit non à la guerre. Give peace a chance. Give peace a chance. Give peace a chance. Let's all give peace a chance. Non, Dieu dit non. Non, non, non. Non, Dieu dit non. Non, Dieu dit non.